avec la peur au ventre, gospel musique souvent je chante en rêve avec des yeux d'enfant, on marche, meurt en silence. Appelle ça instinct de survie, j'ai la misère à fleur de peau et des séquelles sur le visage. On tente en flirte avec le diable, on tease les soucis, c'est pas dans fumer la fondée, nous caille et rime décrivent le drame. Appelle ça instinct de survie, j'ai la misère à fleur de peau et des séquelles sur le visage. Tine est braqué sur l'euro, braqué sur le lardo. Et la skia pousse la drogue qui vient de sortir du labo. T'as vu la couleur de ma peau, tout le monde sait que la race est beau. J'ai le poids de la misère et de la poids sur les épaules. Pour être honnête, 500 euros a rarement connu ma paume. On est venu de Gibraltar jusqu'à Marseille sur un radeau. J'ai rêvé d'une belle vie, la France sur un plateau. J'ai trouvé la Zermie, trouvé la France et son ghetto. L'Afrique n'est pas la seule à avoir Soweto. Les bourgeois traversent la banlieue, la tête dans le hublot. La flicaille se déplace toujours la main sur le flashball. Tellement traité de sale noire qu'au bout d'un moment c'est plus drôle. Jean-Marie nous fait comprendre que ce pays n'est pas le nôtre. Élevé aux coups et blessures, t'inquiète tout ça c'est pas nouveau. Tout le monde sait que les CRS sont des experts en hématome. Je veux chanter mes blessures, je veux juste chanter ma cause. On vit avec la peur au ventre, gospel musique souvent je chante en rêve avec des yeux d'enfant, on marche, meurt en silence. Appelle ça instinct de survie, j'ai la misère à fleur de peau et des séquelles sur le visage. On tente en flirte avec le diable, on tease les soucis, c'est pas dans fumer la fondée, nous caille et rime décrive le drame. Appelle ça instinct de survie, j'ai la misère à fleur de peau et des séquelles sur le visage. Tu sais que l'amour et l'eau fraîche n'ont jamais nourri personne. Tu t'en rends très vite compte quand dans le frigo c'est le désert storm. T'as un discours comme Malcolm, ils vont te buter comme un malpropre. Tu peux très vite finir à côté du cric dans le coffre. J'ai jamais compris les profs, c'est vrai que j'ai jamais fait d'effort. Au fond de la glace, sur le chauffage, en fait j'étais un décor. 1100 euros par mois, crois-moi c'est le salaire à l'usine. Le salaire de Beckham est une insulte à toute l'Afrique. Les génies du bled n'ont jamais eu de magie. Regarde le destin d'Afrique, se marier avec tragique, pas dick. J'ai cherché du boulot en BEP électro. On m'a dit t'as vu comment t'es noir quand tu manques pas de culot. Ils ont la rage que toutes leurs filles kiffent les vibes africaines. Le métissage est le pire des cauchemars de la droite extrême. Pour être honnête, pour dire vrai, j'avoue qu'on se renferme sur nous-mêmes. Regarde l'écart à perte de vue du 9 au 16ème. On vit avec la peur au ventre, gospel musique souvent je chante en rêve avec des yeux d'enfant, on marche, meurt en silence. Appelle ça instinct de survie, j'ai la misère à fleur de peau et des séquelles sur le visage. On tente en flirte avec le diable, on tease les soucis, c'est pas dans fumer la fondée, nous caille et rime décrive le drame. Appelle ça instinct de survie, j'ai la misère à fleur de peau et des séquelles sur le visage.